Vous écoutez France Culture. Les lundis l'histoire, Michel Perrault, bonjour. L'année 2014 marquera le centenaire de l'entrée en guerre, dans ce qui allait se révéler comme la Grande Guerre, la première grande guerre de ce siècle tragique qu'a été le XXe siècle. Beaucoup d'événements, de colloques, de publications jalonneront ce centenaire. Nous consacrerons plusieurs lundis aux nombreuses parutions qui s'annoncent et déjà s'accumulent sur nos tables. Mais nous entrerons dans la carrière avec vous, Stéphane Audouin-Rouzeau, et votre livre « Quelle histoire ? Un récit de filiation 1914-2014 qui vient de paraître au seuil ». Plus que quiconque, Stéphane Audouin-Rouzeau, vous avez contribué à renouveler l'étude de la Grande Guerre par une approche résolument culturelle, reposant sur des sources nouvelles, les journaux, les correspondances, les lieux, les objets, et sur une attention à l'engagement des corps, au bouleversement des vies, aux gestes quotidiens. Vous avez montré la violence physique de la guerre, expression d'une brutalisation qui rompt avec la civilisation des mœurs qu'on croyait largement acquise. Alors vous l'avez fait par votre œuvre personnelle, depuis votre thèse de doctorat qui est parue en 1986 chez Collin, qui s'appelait « Les combattants des tranchées à travers leurs journaux ». Vous avez publié une douzaine de livres qui tous ont fait date. « La guerre des enfants », Collin, 93. L'enfant de l'ennemi, viol, avortement, infanticide pendant la Grande Guerre, en 95, qui est un classique, aujourd'hui d'ailleurs réédité dans la collection Champs aux éditions Flammarion. Sortir de la Grande Guerre chez Talendier en 2008, Les armes et la chair chez Collin en 2009, etc. Je ne cite que quelques titres. Vous l'avez fait aussi par votre action collective à l'École des hautes études en sciences sociales, où vous êtes directeur d'études, et à l'Historial de Péronne, dont vous présidez le centre de recherche, avec Annette Becker et bien d'autres, souvent d'ailleurs vos étudiants. Alors aujourd'hui, Stéphane Audouin-Rouzeau, ce livre, quelle histoire ? Un récit de filiation 1914-2014. On voit le siècle derrière ces dates. Livre qui est dédié à votre mère, Michèle Audouin, décédée il y a peu. Ce livre est original. Il est original dans votre œuvre et il est original dans l'historiographie, en quelque sorte. Vous allez nous expliquer ce que vous avez voulu faire, mais dès votre introduction, eh bien, on l'entend. Et Jean-Pierre Leroux, que je remercie d'être là avec nous, qui est comédien et notre lecteur, va nous lire le début de ce livre. Ce petit livre est le fruit d'une expérience historiographique. Ceux de ma lignée dont la Grande Guerre a percuté la vie, directement ou non, j'ai tenté de diriger vers eux un effort historique, de retourner vers les miens des protocoles de recherche jusqu'ici réservés à d'autres. L'écriture spécifique, d'habitude mise en œuvre pour parler des combattants des tranchées, des femmes en deuil ou des enfants de la guerre, j'ai tenté de l'appliquer à ceux auxquels, d'une manière ou d'une autre, je tiens. Il se trouve que sur trois générations en demeure une trace écrite. J'ai souhaité rester sur les terres de l'histoire, mais celles-ci sont étendues et, dans bien des directions, les frontières deviennent poreuses au point d'être parfois peu discernables. C'est sur ces frontières-là que je me suis déplacé, en m'éloignant du plus qu'il m'était possible, mais sans perdre tout à fait des yeux mon point d'ancrage. J'espère n'avoir pas franchi les bornes, mais si c'était le cas, je n'en aurais pas trop de regrets. Ce sont les risques de l'expérience. Même si elle s'y apparente parfois, les pages que l'on va lire ne constituent pas un récit de famille. Je m'en suis tenu à ce que la Grande Guerre a fait au mien, à la manière dont elle a traversé leur existence, quitte à inscrire ses effets au-delà même de leur propre vie. Et quoi que l'on puisse sans doute s'y tromper, ces mêmes pages ne sont pas non plus un essai d'égo-histoire. Je n'ai pas tenté de dire un cheminement historien, mais celui d'un événement. Et c'est tout autre chose. J'ai la plus grande admiration pour cette remarque incisive de l'écrivain Georges Hiverneau, énoncée en 1949 à l'issue de sa captivité en Allemagne. Ce qui n'est pas clair du tout, ce qui est obscur et difficile, c'est l'homme dans l'histoire, ou l'histoire dans l'homme, si on préfère. La prise de possession de l'homme par l'histoire. L'histoire dans l'homme. C'est bien de cela qu'il s'agira. L'histoire de la Grande Guerre, dont les hommes et les femmes de ma lignée, il sera surtout question des hommes ici, et la trace longue de cette possession. Mais au-delà des individualités évoquées dans les pages qui suivent, il me semble que le premier rôle restera à la Grande Guerre. En ce sens, ce livre demeure sans doute livre d'histoire, mais il emprunte le chemin d'un récit de filiation. Récit de filiation, c'est bien ce que vous avez voulu faire, Stéphane Audouin-Rouzeau. Quel effet ça vous fait de vous entendre lire par une autre voix, C'est une expérience étonnante. C'est la première fois que j'entends quelqu'un lire ce texte, quelqu'un d'autre que moi-même. Évidemment, c'est une interprétation. Je me rends compte que la lecture est une interprétation tout à fait remarquable, donc par Jean-Pierre Leroux. Personnellement, quand je lis, j'essaie de rester sur un ton au contraire très monocorde pour éviter de moi-même être pris par l'émotion de mon propre texte. Alors, qu'avez-vous lu ? C'est un livre tout à fait original qui n'est pas un essai d'égo-histoire, vous le dites tout à fait. Ceci dit, on y reviendra probablement, éclaire aussi vos choix tout de même d'historien. Mais c'est pas ça que vous avez voulu faire. Pouvez-vous nous le redire ? J'espère que c'est un livre inclassable. Si on pouvait me, c'est peut-être le plus beau compliment qu'on pourrait me faire, de dire voilà, est-ce que c'est de l'égo-histoire ? Il y en a un peu, c'est certain, notamment à la fin ou peut-être au début. Est-ce que c'est de l'histoire ? Oui, par certains moments, c'est de l'histoire, y compris sur le plan purement cognitif. Est-ce que c'est un récit de famille ? Par moments, évidemment, ça l'est, ou même très souvent, ça l'est. Inclassable. Peut-être, enfin j'espère qu'il est inclassable, mais au fond, quand je dis que le personnage principal, en tout cas celui qui est à l'avant-plan, reste la guerre, je crois que c'est vrai. Ce qui m'intéresse, je le dis à un moment, ce qui m'intéresse, c'est le tueur qu'il y a dans la guerre. Curieusement, c'est une remarque que m'avait fait Raphaël Branche, grande historienne de la guerre d'Algérie, pourquoi pas la tueuse ? C'est moins la guerre elle-même que le principe qu'il y a en elle. Fond, qui est en question ici, avec ce qu'il y a de spécifique dans la guerre de 14 et qu'on ne trouve pas dans d'autres conflits, probablement cet écart qu'elle a créé entre les attentes des individus, des contemporains du conflit et le résultat désastreux par rapport à ces attentes. Et je crois que c'est ce principe de mort qu'il y avait au sein même de la guerre, qui par définition est un événement de mort, qui fait de 14-18 un drame très particulier qui s'inscrit encore, je crois, dans les familles. Et mon idée, au fond, c'est qu'en racontant cette histoire de famille qui n'est pas que cela, que beaucoup de familles françaises, peut-être toutes, puissent trouver à s'y raccrocher. Oui. Alors, une remarque avant d'entrer dans le dédale des mémoires que nous allons suivre. Vous dites très bien, d'ailleurs, on vient de l'entendre, c'est surtout une histoire d'homme. C'est vrai que c'est l'histoire de vos trois grands-pères et les femmes apparaissent mais en filigrane, notamment pour le Max, le premier dont nous allons parler. Oui, bien sûr, ça se comprend. C'est les histoires des combattants, de ceux qui étaient dans les tranchées. Par définition, c'est les histoires d'hommes. On aurait pu imaginer, malgré tout, les femmes derrière. On pourrait écrire un deuxième livre avec les femmes. Oui. Et je le ferai peut-être un jour d'ailleurs. Mmh. C'est une histoire d'hommes parce que c'est les hommes qui ont fait la guerre. Et la guerre de 14 est une guerre faite exclusivement par les hommes, alors que le second conflit mondial, les femmes y participeront de tas de manières. Hein. Mais la Première Guerre mondiale a été une guerre de ce point de vue où la barrière du genre s'est imposée de manière extraordinairement rigide. Mais néanmoins, les femmes sont là, bien sûr. Elles sont là comme filles, elles sont là comme épouses. Pourquoi je ne me suis pas rendu compte à quel point, quand j'ai écrit le livre, je ne me suis pas rendu compte à quel point je les avais exclus. Mais je crois que, en fait, c'est moins moi qui les ai exclus qu'elles-mêmes se sont exclues. Quand j'ai lu ce livre à ma mère, quelques mois avant sa mort, il a fallu que je lui dise, parce qu'elle n'était pas capable de lire elle-même. À la fin, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Et elle m'a dit une chose qui résumait parfaitement le problème. Elle m'a dit « Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas comprises. » Mmh. Je crois que les femmes, des hommes dont je parle, n'ont pas compris ce qui était arrivé à ces hommes et aux descendants de ces hommes. Et que de ce fait, comme moi je cherche à comprendre ce qui est arrivé à ces hommes, eh bien ces femmes qui n'ont pas compris et qui n'avaient pas les moyens de comprendre, et ça n'était évidemment pas un jugement, hein, eh bien n'ayant pas compris, elles n'avaient pas la place dans un récit qui était fondamentalement une tentative de compréhension. Ce que vous dites est très intéressant, on n'aura peut-être pas l'occasion d'en reparler, mais c'est l'idée qu'il y aurait eu au fond une tranchée creusée entre les hommes et les femmes par la guerre de 14. Ça me paraît une idée très forte et très importante pour la suite du XXe siècle. On va suivre l'itinéraire de vos grands-pères, mais il faut garder quand même cette idée des femmes à l'arrière. Et à ce propos, je voudrais juste signaler comme ça au passage la réédition ces jours-ci du livre de François Stébaud, Les femmes pendant la guerre 14-18, qui est un beau livre et qui insiste surtout sur le travail d'ailleurs, les femmes au travail. Mais revenons à votre livre, Stéphane Audouin-Rousseau. Vous prenez les itinéraires de vos deux grands-pères, plus, et il est fort bienvenu, le grand-père de votre femme, monsieur Pierre Bazin. Alors, il y a Max. Max, comment ? Alors, Max, donc, Hérold, hein, Max Hérold, donc, qui est donc mon grand-père maternel, le père de ma mère. Ensuite, il y a Pierre Bazin. Alors, Pierre Bazin, c'est donc le grand-père maternel de mon épouse, qui est mort centenaire et que donc j'ai pu connaître pendant toute ma jeunesse et qui a eu un rôle finalement de, à mon insu d'ailleurs, sans que je m'en rende compte, un rôle de formation très important, de formation historienne. Pour vous-même. Pour moi-même, en tant qu'historien de la Grande Guerre. On en reparlera. Et puis, le troisième grand-père, c'est Robert, qui joue un rôle central, parce que c'est le père de mon père, et que c'est lui, au fond, qui est, dans ce récit de filiation, le personnage capital. C'est lui qui est sur la couverture, même si ça n'est pas dit de manière explicite. Chronologiquement, on aurait dû le mettre en deuxième position, puisque dans votre mémoire, il est arrivé, dans votre vie, il est arrivé en deuxième position, mais étant donné son importance capitale dans le récit de filiation, nous viendrons à lui en troisième lieu. Et nous allons les prendre tous les trois dans leur expérience singulière, car chacun d'entre eux apporte quelque chose de particulier. Commençons par Max Hérold. Alors Max Hérold, il est né en 1892, il est mort dans les années 50. Oui, il est mort, effectivement, il est mort en 58. Si quelque chose comme ça. Et lui, au fond, c'est un combattant type, assez normé, dites-vous. Quelquefois même, je ne l'épargne pas. Vous ne l'épargnez pas beaucoup. Vous dites qu'il est assez conformiste, un petit peu banal, dans toutes, peut-être, ses attitudes. Enfin, plus qu'un peu banal, oui. Généralement, quand c'est une chose qui m'amuse quand je lis les récits. Généralement, quand on publie les lettres, un carnet de son grand-père, on en fait l'éloge. J'ai trouvé assez intéressant de ne pas en faire l'éloge, justement, mais de le regarder en historien, dans sa banalité, effectivement, dans sa banalité. Sa fatuité aussi. D'acteur social, au fond, d'acteur social plongé dans cette tourmente qui le dépasse complètement. Et dans lequel il pense, je dis à un moment, c'est un peu cruel, qu'il pense comme les journaux. Et c'est exactement ça. Il pense comme les journaux. Quand on lit les lettres de Max, eh bien, c'est. Ceci dit, avant que nous ne l'écoutions, on va écouter un fragment de lui, il a écrit des carnets ou des correspondances. C'est les lettres, oui, ce que j'ai, ce sont les lettres à sa future épouse, hein, fiancée qu'il rencontre pendant la guerre, voilà, Denise. Mmh. Et voilà, c'est une très longue correspondance, accablante par certains côtés, parce qu'il est, voilà, il a beaucoup de mal à exprimer, au fond, les sentiments donc qui naissent progressivement. C'est un amour par lettre qui s'affirme de manière progressive, comme amour par lettre qui s'est produit tant de fois avec les soldats de la Grande Guerre. Rien de tel que l'absence, que la séparation pour susciter effectivement un amour croissant. Oui. Et en même temps, lettre correspondance conservée. Conservée, entièrement. Mais disons-le tout de suite, il n'y a pas les lettres de Denise. Comme très souvent. Et c'est oui, voilà. La lettre que, les lettres qui avaient de la valeur, c'était les lettres des hommes qui, évidemment, avaient risqué leur vie. Les lettres en retour des épouses, eh bien, on les a parfois. Donc, une jeune historienne qui soutiendra bientôt sa thèse, comme Clémentine Vidal-Naquet, sur les couples, a trouvé beaucoup, ici, de correspondance donc masculine et féminine avec les mais dans beaucoup de cas hélas les lettres des femmes sont perdues et c'est une indication supplémentaire sur la tranchée entre hommes et femmes qui s'est creusée pendant la Grande Guerre. Exactement. Nous allons entendre la voix de Max à travers la lecture de Jean-Pierre Leroux. Les camarades et moi sommes en ligne depuis une dizaine de jours déjà dans un petit coin que je ne recommanderais pas aux gens atteints de maladies nerveuses. Les premiers jours, nous faisions un peu la grimace, puis, peu à peu, le sourire est revenu. On s'habitue à tout. Question de temps. Depuis un an, nous ne savions plus ce qu'était le canon, mais ici, on se rend compte que, des deux côtés, on n'en manque pas et que les munitions sont encore abondantes. Évidemment, nous ne sommes pas plus enchantés que cela de notre nouvelle situation, mais elle procure, je vous assure, des sensations qui en valent la peine. Quelque chose comme la marche au bord d'un abîme ou bien le looping, sans le loop. De temps en temps, le passage de la grande faux vous coupe un peu la respiration, mais après, on ne sent que plus intensément le plaisir de vivre, de rire, de chanter à tue-tête, pour que nous ne l'entendions pas, si elle nous veut. Alors, quel commentaire avez-vous envie de faire sur ce texte, Stéphane Houdon, vous autres, qui est donc le texte de votre grand-père maternel, Max? C'est un texte, on pourrait dire, presque d'un point de vue ethnographique, là aussi banal, notamment ce contraste que tant de soldats ont marqué entre l'expérience de la mort, l'expérience du danger, le risque physique, corporel, et puis cet incroyable plaisir de vivre et de vivre les choses les plus simples, celles que l'on ne remarque pas d'habitude. Manger avec des camarades, chanter, comme il le dit, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une lettre donc à cette femme dont il est amoureux, mais ni lui ni elle ne se sont dit qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre, et peut-être ne le sont-ils encore que de manière latente. Et au fond, c'est un soldat qui se met en scène devant une femme. Voilà. Il met en scène quoi ? Il met en scène son courage. Sa détermination, c'est le soldat qui ne s'en fait pas, donc qui parle du danger et qui parle surtout de la manière dont il est capable d'y faire face. Et en ce sens, eh bien, il tient un rôle masculin. Un rôle masculin classique pendant la Grande Guerre. C'est une mise en scène de lui-même devant Denise. Oui. Et je ne résiste pas au plaisir, usurpant un tout petit peu le rôle de Jean-Pierre, de citer quelques lignes de sa lettre à Denise. « Vous nous devez de conserver à la France et à vous autres femmes cette finesse, cette élégance d'esprit et de cœur qui est bien le propre de notre race. Restez modernes, ne soyez pas futuristes. Aidez les hommes, ne les remplacez pas. Demeurez celles qui pensent et qui consolent. Laissez-nous l'illusion que vous avez besoin de nous pour vous guider et vous protéger. » Je trouve cette lettre extraordinaire. Oui, elle est assez pathétique en même temps. On est là devant, c'est une lettre très prescriptive, dit bien l'angoisse masculine et la fragilité masculine. Et la dernière phrase que vous avez citée, Michel, sur « laissez-nous l'illusion que vous avez besoin de nous » est peut-être la seule originalité qui surnage dans la masse des lettres de Max à Denise, où d'un seul coup, il dit, il avoue au fond que peut-être les femmes n'ont pas tant besoin des hommes que cela. C'est le seul moment où il dit quelque chose d'un petit peu personnel, d'un petit peu original, où il y a une sorte d'aveu de faiblesse ici qui est touchant. Presque mélancolique, pour le reste, oui. Pour le reste, il est au fond dans ce qu'on appelle le mainstream aujourd'hui. Max, donc. Le second dont nous allons entendre la voix et dont nous allons parler, ou l'entendre la voix assez peu d'ailleurs, mais dont nous allons parler, Pierre Bazin. Alors Pierre Bazin, 1896-1989. Hein, voilà quelqu'un qui a vécu longtemps, qui a survécu à la guerre et qui a vécu longtemps, et qui est le grand-père de votre femme, celui dont nous parlions tout à fait au début, qui a été très important par sa longévité, par le fait qu'il aimait parler de la guerre, qu'il vous en a beaucoup parlé. J'aimerais que vous nous en parliez justement de Pierre Bazin. Alors, contrairement à Max ou à Robert dont on parlera, Pierre Bazin n'était pas un homme éduqué. Hein. C'était pas un homme éduqué, c'est pas quelqu'un qui avait été au lycée et qui était ensuite commerçant de vêtements dans sa ville de Vire, donc, dont il n'a pas bougé donc, toute sa vie. Et c'est un homme donc qui a fait ce qu'on appelait une vraie guerre, c'est-à-dire d'abord les 3 ans de service militaire, et puis juste après, l'appel à la guerre, 4 ans et demi, donc finalement plus de 7 ans, presque entre 7 et 8 ans hein, sous l'uniforme. Et on se rend compte là de ces vies où la guerre et la vie militaire a occupé vraiment le centre, ouais. Tout le centre de la jeunesse et l'a dévoré, hein, a dévoré cette jeunesse. Il le dit dans une interview que je trouve, dont on reparlera peut-être, j'ai perdu les plus belles années de ma vie. Et cet homme était, un point très important, il était donc au départ sous-officier d'infanterie, assez vite sous-lieutenant d'infanterie, parce que la promotion a été très rapide, vu l'hécatombe hein, des officiers. C'est un fantassin, hein, et c'est un fantassin du début de la guerre. C'est un homme de l'année 15, et il est blessé d'ailleurs très grièvement en 15. Il fait la guerre néanmoins jusqu'au bout, mais ensuite de manière plus tranquille, après un an d'hôpital, hein, en 17, il ravitaille Verdun avec ses camions. Il n'est plus exposé au danger comme il avait été au début de la guerre. Et c'est un homme, au fond, qui avait, comment le dire, magnifiquement survécu à la guerre. C'est-à-dire que la guerre, le trauma, la souffrance, le stress post-traumatique, comme on le dit aujourd'hui, n'est pas automatique. Ce sont des choses qui partent du sujet et non pas de la situation. Et une même situation a pu être vécue de manière très différente par les sujets. Et Pierre Bazin avait fait une vraie guerre, mais avait finalement surmonté globalement l'épreuve de la guerre. C'était un homme donc d'une extraordinaire droiture, aussi bien morale que physique, malgré d'autres épreuves très dures, Seconde Guerre mondiale en particulier, perte de son fils, etc., etc., bombardement de sa ville, perte de tous ses biens. Bon, eh bien, voilà un homme qui avait traversé, au fond, la tragédie du XXe siècle à la française, non pas indemne, certainement pas, mais au fond, en surmontant les épreuves. C'était aussi ce qui m'a beaucoup de choses. Il m'a amené beaucoup de choses par ses récits auxquels je faisais beaucoup plus attention que le reste de sa famille. Et deuxièmement, par sa blessure, hein, puisqu'il avait été blessé à une des deux mains blessé. Et au fond, le spectacle, si je puis dire, cette vision, la main, c'est très important. On la voit toujours. C'est la seule partie nue de notre corps que nous voyons en permanence et que les autres voient. Et cette main cassée par l'obus, cette main infirme, au fond, disait sans doute comme pour Pierre Renouvin, le bras manquant après l'offensive du chemin des dames, disait un récit. Disait ce récit de l'atteinte au corps par la guerre moderne. Et cette main paralysée, je crois, m'a amené plus de choses à mon insu sur ce qu'était, au fond, le corps des soldats jetés dans la guerre moderne que des tas de livres. Oui, vous avez appris beaucoup de lui, d'après ce que vous dites. Et vous racontez aussi une interview collective que je trouve tout à fait extraordinaire. Un jour, vous avez décidé de lui demander un témoignage pour l'ensemble de la famille. Et vous avez fait cette interview et vous dites vous-même que, avec le recul, il n'y avait pas les précautions méthodologiques qu'il aurait dû y avoir, etc., etc. Mais c'était quand même assez extraordinaire comme expérience. Ça s'est passé quand, ça? Alors, c'est une interview donc des années 80. Pierre Bazin était très âgé. J'avais commencé mon travail début des années 80. Moi, j'avais commencé mon travail d'historien donc sur les soldats, précisément, de la Grande Guerre. J'avais décidé qu'il fallait faire quelque chose. Pierre Bazin est déjà très, très âgé, vous l'avez dit. Il meurt en 89. On avait bien conscience qu'il ne serait pas éternel. Donc, j'ai posé le magnétophone sur la table familiale après un déjeuner. Et J'ai été très mécontent de cette interview parce que d'abord tout le monde parlait, c'était très confus. Je sentais bien, même à l'époque, que mes questions n'étaient pas bonnes. C'est des questions d'historiens, de jeunes historiens qui voulaient que, au fond, je voulais que le combattant confirme ce que les historiens savaient. Alors donc je posais des questions, voilà. Alors parfois il confirmait, parfois il confirmait pas, ou parfois la question lui paraissait stupide, ce qui évidemment me décevait. Et puis j'étais obsédé par les dates. Mais c'était quand, ce que vous dites évidemment. Et lui se souvenait pas des dates. Le temps de la guerre est un temps clos sur lui-même. C'est un temps unique. Et cette obsession de la chronologie, oui, était absurde. Donc j'ai jamais réécouté cette interview. Et donc 30 ans plus tard, je l'ai retrouvé. Miraculeusement intact, et c'est une expérience pour un historien peut-être rare que de s'entendre, toujours historien mais plus vieux, s'entendre comme jeune historien poser des questions d'historien et d'avoir ainsi cette réflexivité, cette distance à soi-même sur le plan professionnel. Et puis c'est également, bon, c'est une interview qui... Le livre n'aurait pas été possible sans doute sans cette interview. Sans doute, oui. D'autant qu'à la fin, oui. Ma grande surprise, mon père était là, ce que j'avais tout à fait oublié, qui est le personnage sans doute, en fait le plus important du livre, oui. Et pose une question ou une série de questions absolument étonnantes, intervient dans la conversation, et oui. C'est le seul enregistrement que j'ai de la voix de mon père. Oui, ça c'est tout à fait extraordinaire. Alors à côté de cet aspect, j'allais dire existentiel, que nous allons retrouver maintenant, il y a aussi des choses intéressantes. Par exemple, Pierre Bazin était quelqu'un qui était un petit peu impertinent de temps en temps. Par exemple, oui, il dit à un moment parler, donné, oui. Oh, au front, il y avait de petits mariages. Et votre grand-mère est un peu scandalisée parce que, à quoi fait-il allusion? Comme tous les combattants, il y a deux discours. Il y avait deux récits. Il y avait un récit anecdotique, récurrent, toujours les mêmes histoires qui revenaient et que plus personne n'écoutait parce qu'on les avait déjà entendues très souvent. Alors que ce qui est intéressant dans les histoires toujours identiques, c'est de voir à quel point elles ne sont pas tout à fait identiques et comment une nuance, un ajout ou un manque vient parasiter le récit, la nouvelle version, les versions successives du récit. Mais de temps en temps, il y avait une brèche dans le récit. Mais comme ce récit, au fond, banal, n'était plus écouté, on n'écoutait pas non plus quand elles se produisaient. Il y a eu deux brèches dans mon souvenir. Il y a eu une brèche où il a parlé des conditions du suicide au front et notamment de la manière dont les soldats dirigeaient le canon vers leur bouche et pour pouvoir actionner la détente étaient obligés de se déchausser pour avec l'orteil. Donc, puisque le bras n'était pas assez long pour actionner la détente. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre une extraordinaire lithographie d'Autodix, de la série Der Krieg de 24. Avant, je n'avais jamais compris cette lithographie. Personne, je crois, ne l'avait comprise, d'ailleurs. Et d'autre part, cette idée des petits mariages, il vient quand il y a d'un seul coup, comme ça. Il s'est dit, mais au fond, il y avait des petits mariages, en ricanant un peu. Et j'ai vu, effectivement, sa femme qui commençait à essayer de le faire taire, qui, elle, savait de quoi il était question, mais elle était seule à le savoir. Oui. Et qui est donc à parler, à ce moment-là, de liaison entre hommes. Bien sûr. Aux des premières lignes, d'hommes. De liaison entre hommes, que je ne dirais pas d'ailleurs homosexuels, qui étaient des liaisons qui ne se faisaient qu'aux premières lignes, dans la zone de danger, et disparaissaient, semble-t-il. Donc ensuite, dès que les conditions étaient moins dangereuses, quand on venait au cantonnement ou en deuxième ligne. Et ici, il disait quelque chose là d'absolument caché, d'absolument occulté. Même les témoins qui ont tout dit, qui ont tout voulu dire, qui ont voulu casser tous les mythes, et Dieu sait s'il y en a dans les années 30, n'ont, à ma connaissance, jamais rien dit sur ce plan. Et on sait qu'une communauté d'hommes, dans une situation contrainte, comme l'étaient les soldats, et c'est vrai dans les hôpitaux, c'est vrai dans les prisons, ces pratiques homosexuelles sont une évidence. Je trouve extraordinaire, après coup, qu'il était capable un jour de le dire. De le dire. Bien sûr. Donc, rendons hommage à Pierre Bazin. Alors, absolument. Absolument. Le troisième grand-père, tout à fait essentiel, c'est Robert Audouin. Alors, Robert Audouin, ça c'est votre grand-père paternel, 1896-1957, lui il est mort bien plus tôt, et Robert Audouin est évidemment un personnage central, parce qu'il est le père de votre père Philippe, 1924-1985, donc personnage central, et Robert Audouin est le nœud de l'histoire, parce que son expérience a été tragique, elle a été d'une certaine manière refoulé par votre père Robert. Il était artilleur, il a été terriblement marqué par le bombardement qu'il a subi, notamment dans la nuit, dans une nuit du 17 au 18 août 1916. Il en a laissé un récit. Hein. Et on va revenir sur ce récit, mais nous allons l'entendre lu par Jean-Pierre Leroux. Nous voilà en route par la nuit noire avec le brigadier du 117e comme guide. Il est 8h30. Plusieurs fois le long de la route, le lieutenant et l'adjudant m'envoient en queue de colonne et elle est longue, 20 mètres entre chaque voiture, pour porter des ordres ou m'enquérir de quelque chose. La piste est pleine de trous d'obus, passe sur d'anciennes tranchées et malgré cela, je marche au trot. Armistice but, je ne sais encore si elle est couronnée. Nous pénétrons dans Asviller. Ce n'est pas un village, mais un fantôme de village. Plus de murs, plus rien que quelques poutres dessinant encore la forme des maisons. On voit clair d'un bout du village à l'autre et à travers les maisons. Il est 11h du soir. De nombreuses fusées multicolores illuminent l'horizon tout autour de nous. Et c'est là que je me rends compte pour la première fois de ce que c'est que le front. La route dans Asviller est semée de cavités profondes. Tout est silencieux. Quelques fantassins passent par groupes de deux ou trois. Le village sent la fumée, l'incendie récent. Et j'en fais la remarque à un de mes conducteurs. Dans ces moments-là, on éprouve le besoin de se rapprocher des autres. Chaque vie en vaut une autre et l'on cause à voix basse, car la consigne est de faire le moins de bruit possible. Le roulement des voitures dans ce silence est impressionnant. Nous n'avons encore entendu que quelques coups de canon et éclatements lointains, mais Asviller est dépassé. La route est encore plate un instant, puis nous descendons une route encaissée et bordée de quelques arbres. La colonne s'arrête à mi-côte. Le lieutenant Baudouin rassemble la reconnaissance et je pars avec lui, trois ou quatre en tout, rejoindre le capitaine qui, dès la veille au matin, vint sur la position. Il était venu avec le capitaine Grollement, commandant le 9e groupe. Nous arrivons après 3 minutes de marche, dans la boue et après avoir buté dans des trous d'obus, au tournant du chemin que nous devions prendre pour aller à la position. Le lieutenant me renvoie seul pour aller chercher la colonne. J'avais fait 50 mètres à peine quand le sifflement d'un obus que j'avais deviné être pour moi, expression consacrée, bien que n'en ayant jamais entendu venir, m'arriva en l'espace de rien. Je n'eus que le temps de me jeter à terre le long du talus, en plein dans la boue. Et quelle boue ! Du sang d'un cheval tué que j'avais vu en descendant. Il était temps. À peine ce mouvement fait que le percutant éclate de l'autre côté de la route à 6 mètres de moi. Les éclats passent en sifflant au-dessus de moi et la terre détachée du talus me retombe sur le dos. J'écoute. Plus rien. Je me relève. Repars. Je n'avais pas fait 10 mètres. Bis, bis, bis, un autre calibre arrive dans ma direction. Nouveau plat-ventre, cette fois dans la boue propre, juste en face d'une voiture abandonnée, avec un cheval blanc tué à côté d'un autre, debout, broutant tranquillement l'herbe à côté de son compagnon mort. Vision horrible de destruction. L'obus éclate à une dizaine de mètres en arrière de moi sur la route. Je ne suis pas touché. J'allais me relever quand d'autres sifflements arrivent à mes oreilles. Je m'aplatis sans souci de salir mes vêtements que je désirais conserver propres. J'aurais été obligé de me coucher sur des cadavres à ce moment que je n'aurais pas hésité, même à me recouvrir d'un d'entre eux pour me garantir. Ils éclatent à quelques secondes d'intervalle, tous percutants. La terre du talus vole de plus belle et j'entends des éclats siffler qui ne devaient pas être petits. D'autres retombent autour de moi. Je relève la tête, tout haletant, et à cette heure où j'écris, 8 jours après cet incident, je ressens un tremblement nerveux. Mon estomac se serre et j'ai la respiration courte. J'ai, sinon peur, du moins une impression nouvelle que je n'avais jamais ressentie et que je ne saurais définir. C'est quelque chose qui ne se raisonne pas. C'est plus fort que soi. Quel texte, hein ! Et il avait du talent, Robert. Il avait du talent d'écriture, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte. Alors, ce texte, il dit, lui-même, il a écrit 8 jours après, hein, on vient de l'entendre, 8 jours après qu'il ait subi ce bombardement d'artillerie, il a écrit ça. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous savez sur l'écriture de ce texte et justement sur sa transmission, j'allais dire, sa transmission manquée d'une certaine manière, Stéphane Audouin-Rouzeau ? Ce texte, vous ne l'avez pas manqué, c'est un texte fondateur, évidemment. Et sur l'expérience fondatrice hein, pour Robert, Jean-Pierre Leroux l'a lu magnifiquement, elle a mis magnifiquement en valeur. Robert était pourtant un garçon de 20 ans, simple bachelier mathélem, mais pas littéraire, qui sans doute s'apprêtait à devenir ingénieur, et qui ne deviendra jamais, car la guerre a brisé aussi hein, les études, les perspectives d'études et de carrière hein, de beaucoup de ces hommes issus, en l'occurrence de Robert de la bourgeoisie. Et... il monte en ligne effectivement en 16. En fait, il monte en ligne dans une des plus grandes batailles du XXe siècle. Svillers, c'est dans la Somme, août 16. Au début de la deuxième bataille de la Somme, ce qui explique aussi qu'il traverse des champs d'obus et qu'il y a une telle densité hein, de l'artillerie. La colonne a dû être repérée dans la nuit tombante, a dû être repérée par l'ennemi au son et on bombarde la colonne avec visiblement une grande précision. Et Robert donc fait ce texte, écrit ce texte, c'est un texte cathartique me semble-t-il, hein, il écrit au crayon de manière extrêmement dense sur des pages d'écolier, et puis ce texte s'arrête, un peu de choses près à l'endroit où la lecture l'a arrêté, et il n'y a plus rien d'autre. C'est-à-dire que comme si cette expérience fondatrice avait été dite tout de suite, et puis plus rien d'autre. Et ce texte ne s'est néanmoins pas perdu, il l'a conservé visiblement, mon père l'avait retrouvé, et un jour, j'avais commencé mes travaux sur la Grande Guerre, m'a donné de manière très désinvolte ce texte, en me disant, tiens, c'est pas mal, c'est intéressant, ça t'intéressera peut-être, comme si ça n'avait pas d'importance. Et lui-même, puisque mon père a écrit ses mémoires, a mis ce texte en annexe, il ne savait pas où le mettre. Hein, il le commande très mal, d'ailleurs. Il le commande très mal, se trompe sur la date, se trompe sur les sentiments, se trompe sur tout. Mon père n'a jamais compris ce texte, parce que pour comprendre ce texte, il fallait d'abord comprendre la guerre de son propre père. C'est donc un texte incompris, auquel, je ne lui ai pas prêté une très grande attention. C'est maintenant que je le comprends vraiment. Et bien, on se rend compte à quel point. Hein, il n'est pas anecdotique, c'est un texte fondateur. C'est un texte hein, qui fait basculer pour l'acteur, en l'occurrence pour Robert, mais pour tant d'autres, avant lui ou après lui. Ben c'est un texte qui sépare un avant d'un après. Il y a la vie qu'on a eue jusqu'à une expérience comme celle-ci, et puis il y a la vie que l'on aura après. Oui. Et si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas qu'il y a une rupture du temps, et du temps, s'il y a du temps vécu par les acteurs sociaux, eh bien on ne comprend rien à la guerre. Oui, et d'une certaine manière, votre père Philippe, si brillant, si intelligent, a refoulé la guerre de son père. Hein. Il ne l'a pas comprise. Ce texte, il le mettait de côté, mais ça, on va y venir. Mais restons un instant à Robert. Robert qui vient de vivre ça, qui écrit cela, qui n'écrira plus jamais rien. On se rend compte après que sa vie a été cassée, en quelque sorte. D'abord, il n'a pas fait les études qu'il voulait faire. Et vous avez rappelé que c'était le cas de nombreux jeunes gens. Donc, il a essayé de gagner sa vie, au fond. Hein. Il a gagné sa vie comme il a pu, mais mal. Hein. Il n'a pas fait de très bonnes affaires. Ensuite, il a été rattrapé par la Deuxième Guerre. Alors, Robert, c'est en ça apparaît, aussi qui est incroyable. Alors, Robert, en apparence, sort indemne de la guerre, alors que tant d'autres ne sont pas sortis indemnes. Oui. Hein, il sort sous lieutenant. Il se marie d'ailleurs au sortir de la guerre en uniforme de sous-lieutenant, avec sa croix de guerre sur la poitrine. Il n'est pas blessé. Certes, il n'a pas fait d'études, mais bon, beaucoup d'autres comme lui, donc il se met un peu dans des activités. Il tente de reprendre l'entreprise familiale de peinture de son propre père. En apparence, tout va bien. Lors de son mariage, on fait l'éloge du héros, du bel officier qui avait survécu à tout. Voilà, c'est un héros. C'est un héros. Comme tant d'autres qui étaient des héros. Le problème, c'est que le héros, en fait, est brisé. Et que, sans doute, ne sait-il pas lui-même qu'il est brisé. Il n'a pas les moyens de comprendre, je crois, profondément ce qui lui est arrivé, son entourage, moins encore, ni son père, ni son épouse, ni personne autour de lui. Et en réalité, Robert, j'ai fini par le comprendre, par mon propre travail d'historien, a été brisé par le premier conflit mondial. Mais c'est une brisure qu'il dissimule par un discours, par une attitude très virile, c'est un homme de droite, très à droite même, très anti-parlementaire, avec des phrases péremptoires, qui paraissait à mon père un homme finalement d'une intelligence limitée, ce qui n'était probablement pas le cas, on le sent bien à travers ce texte. Bref, qui met une carapace, n'est-ce pas, pour dissimuler sa faiblesse, son échec professionnel lamentable, puis son échec personnel, familial, et puis cet échec terrible pour cette génération des vétérans qui est la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre. Il n'était pas suffisamment âgé pour ne pas la faire. Et cette défaite terrible, au fond, qui... Et cette captivité, faut se rendre compte de ce que c'est qu'une captivité, ce désespoir de la captivité. Qui s'est encore ajouté à ses expériences de guerre. Voilà. Et quand il rentre de sa captivité, il est complètement cassé, ses affaires alors ne marchent plus du tout. Et alors, il y a un récit mauriacien de tout ce qui se passe à ce moment-là. Il se remet en quelque sorte aux mains de Gênes, de son propre père, qui est donc votre arrière-grand-père, qui est un homme terrifiant. Ah oui, un homme qui avait réussi dans les affaires et qui au fond, la haine s'installe avec la dépendance du fils vis-à-vis du père. La haine s'installe entre les deux hommes qui vivent ensemble dans une maison, pas très très loin de Paris, dans la forêt, et qui ne se parlent plus que par quelques petits mots, et mon père donc n'a pas pu ne pas voir cette incroyable humiliation de son propre père, qui avait besoin même pour manger de l'aide de Gênes, et qui donc a vécu toute son enfance, sa jeunesse, avec cette image du père faible, du père humilié, du père écrasé, qui a été sans doute la malédiction, une des malédictions sans doute de sa description jeunesse. Que vous donnez de cette maison où les gens sont enfermés sous la tutelle terrifiante d'Eugène, avec ses règlements, et puis finalement votre grand-père Robert meurt avant son propre père. Exactement. Il a fait deux guerres. Père qui n'accompagne pas le corps au cimetière. Voilà. Et qui ne l'accompagne même pas. Donc c'est un destin tout à fait tragique. Et ce qui est très important dans votre livre, c'est que vous montrez que la tragédie s'est jouée dans ce bombardement, probablement, dans cette artillerie qu'il a subi et qu'il a raconté et sur lequel personne ne l'a vraiment entendu. Les bruits du bombardement ont recouvert complètement sa propre voix, en définitive. Alors, on ne peut pas le dire mieux. Tout cela nous mène vers Philippe. Alors, Philippe, c'est votre père. Et c'est une personnalité dont vous allez nous parler. Alors, Philippe Audouin, 1924-1985, qui est un petit peu dans la transmission, le chaînon manquant, d'une certaine manière, et vous allez nous dire pourquoi, et aussi celui qui a fini par transmettre, à la fois par transmettre le texte, puisqu'il vous l'a donné, et par poser des questions tout à fait pertinentes et intelligentes le jour du fameux interview collective avec Pierre Bazin. Alors, c'est à vous de nous dire qui était Philippe, tout de même. Alors Philippe, donc enfant unique, donc de Robert, qui après la Deuxième Guerre mondiale, donc était un jeune homme de gauche, qui avait fait Sciences Po puis Subdeco, et qui au fond dans la grande aventure de la grande aventure intellectuelle et affective de la vie a été l'engagement surréaliste dans cette dernière vague du surréalisme. Dont il se sent très proche dès la fin des années 40, mais qu'il ne rejoint formellement que 10 ans plus tard, quand il s'est senti suffisamment fort, au fond, pour rejoindre un tel groupe, en 1959, à l'issue d'une rencontre avec André Breton, qui a été la grande référence, qui a été le grand homme de sa vie. Les textes de mon père décrivant Breton sont presque gênants d'acuité et de fascination. Il a beaucoup écrit sur André Breton. Et voilà, il mon père a beaucoup écrit des textes essentiels. Et ça y est d'ailleurs, certains édités sous forme d'autres inédits. C'est les inédits qui sont les plus intéressants, comme très souvent. Et ce que je crois maintenant, c'est que j'en ai beaucoup voulu longtemps au surréalisme. J'ai longtemps pensé que le surréalisme, donc je le dis d'ailleurs, avait tué mon père par l'écart, par son exigence impitoyable sur ceux qui avaient rejoint cette phalange, et également par l'écart qu'il y avait entre la vie professionnelle de mon père, celui d'un cadre dirigeant d'une grande administration des retraites de la sidérurgie française, d'une part, et puis l'engagement surréaliste, d'autre part, complètement contradictoire. Une dualité terrible. J'en voulais, quand j'étais enfant, évidemment, c'était la première vie de mon père qui m'intéressait. L'engagement surréaliste auquel je ne comprenais rien me paraissait, évidemment, une vie perdue, dangereuse, etc. Ce que je crois maintenant, c'est que le surréalisme était était le grand engagement de mon père, et un engagement qui, évidemment, ne lui permettait pas de comprendre la guerre de son propre père. Oui. C'était même le meilleur outil pour ne pas comprendre, puisque le surréalisme, à la fois, est sorti tout armé de la Grande Guerre, chacun le sait, mais en même temps, c'était un refus d'y avoir participé. Oui. Je crois que par là même, mon père a échappé complètement à la Grande Guerre de son père, si je puis dire. C'est ça. On va entendre ce que dit votre père Philippe du surréalisme et de la guerre, et attitude que lui-même, au fond, adoptait. Les uns et les autres, Aragon, Breton, Soupeau, Éluard, ont passé de peu leurs 20 ans. Tous ont fait, à des degrés divers, l'expérience de la guerre. De cette interminable boucherie, ils ne gardent qu'un souvenir horrifié. Loin de partager l'ivresse de la victoire et cette singulière fierté des sacrifices consentis qui conduiront toute une génération de la chambre bleue horizon au monument aux morts, de la dalle sacrée aux associations d'anciens combattants, des croix de feu aux ligues fascistes, ils se situent en rupture ouverte avec l'idéologie de ce temps. À leurs yeux, la guerre a été une inutile, une absurde abomination, et qui pisait, elle a entraîné une faillite générale sur le plan de l'esprit. La plupart des écrivains que ces jeunes gens admiraient dans leur adolescence avaient plus ou moins mis leurs plumes au service de l'effort de guerre et s'étaient fait les propagandistes d'un chauvinisme stupide et forcené. Voilà. Alors, donc, Philippe décrit cette attitude, mais il l'adopte. Mais bien sûr, voilà. On a là tout l'antimilitarisme de mon père, très violent, à la limite de l'antipatriotisme d'ailleurs, même s'il était incroyablement français, sans même s'en rendre français jusqu'au bout des ongles, mais finalement connaissant très mal l'étranger, mais en même temps un antipatriotisme principiel, si j'ai pu dire, l'idée même de patrie, l'idée même de sacrifice pour la patrie, c'est vraiment quelque chose de totalement absurde, rejeté avec beaucoup de violence. C'est un texte très violent. Très violent. Et cette violence, elle était chez mon père pour évoquer et cette période. Et donc, mais du coup, l'engagement, si je puis dire, n'oublions pas que son propre père, Robert, était un engagé volontaire. Il était parti faire la guerre à 20 ans, il n'avait pas eu honte de l'affaire. Et il était revenu, effectivement, comme officier, décoré. L'écart, vous voyez, entre ce texte et la vie de Robert est immense. Il y a un océan. Et ce que pense mon père, ce que pensait mon père, ne lui permettait pas de comprendre ce qui était arrivé à son propre père et qui était fondamental pour l'expliquer. Inconscience, si vous voulez. Inconscience, incompréhension. Je crois qu'on paye toujours très cher dans la vie l'inconscience et l'incompréhension. Oui, mais votre père a eu aussi des drames, par exemple la fin du surréalisme. Alors ça, c'est pas tout à fait notre sujet, mais vous le racontez très bien. Vous montrez que il a vécu 68 avec d'ailleurs beaucoup d'intensité, comme les surréalistes. Mais le temps du surréalisme est passé d'une certaine manière. Il y a eu la mort de Breton. Il y a eu la mort de Breton. Ensuite, l'échec de 68 à Paris, l'échec du printemps de Prague en 68, l'échec cubain quand Fidel Castro finalement approuve l'intervention des troupes du pacte de Varsovie à Prague. La vie de mon père s'est arrêtée là. C'est ça. Et là, c'est vraiment la désillusion eschatologique, en quelque sorte. Toute la croyance s'effondre. Les raisons de vivre, au fond, à ce moment-là, disparaissent. Oui, c'est ça. Et alors, dans la dernière partie de sa vie, qui est très importante pour vous, puisque vous êtes jeune historien et vous le voyez beaucoup à ce moment-là, est-ce qu'il a, à votre avis, commencé à réévaluer un petit peu, essayer de mieux comprendre la guerre de son propre père? Il a écrit des mémoires, Philippe. Il a écrit des mémoires. J'aimerais que vous nous disiez un petit mot de ces mémoires, parce que quand même, c'est un acte de transmission. Je crois qu'une partie a été publiée. Non, les mémoires n'ont pas été publiées. Elles n'étaient pas faites pour être publiées. Elles étaient familiales, mais je les ai déposées à l'IMEC. Oui. Deux volumes, donc sur l'enfance et l'adolescence, et puis le début de l'âge adulte, et notamment le ralliement au surréalisme. C'est une mémoire assez remarquable. En ce qui concerne la Grande Guerre, l'incompréhension... C'est maintenu jusqu'au bout, et c'est maintenu en particulier dans les dernières années de sa vie, quand je lui donnais à lire, pour qu'il les corrige, les pages. Mon père était un extraordinaire écrivain. Et une écriture d'une extraordinaire ductilité, d'une extraordinaire souplesse. Et donc c'est lui qui m'a appris à écrire, disons-le, même si je n'écris pas comme lui, même si son écriture m'agace même un peu à certains moments. Je la trouve un tout petit peu trop riche, mais un peu trop de mots. Mais néanmoins, c'est lui qui m'a appris à écrire. Et au fond, quand je lui ai donné à lire les chapitres de ma thèse, qui allaient absolument à contresens de tout ce qu'il pensait sur la Première Guerre mondiale, une véritable provocation, à dire vrai, dont je ne me rendais pas vraiment compte, ou bien je n'ai pas voulu m'en rendre compte. Lui-même, je pense, a été assez ulcéré, mais ne m'a jamais dit qu'il l'était, sinon pour se moquer un peu de ces soldats tellement banals, effectivement, dont il découvrait un petit peu cet univers mental. Il en a été un peu surpris, mais sur le fond, je ne crois pas que j'ai réussi à le faire bouger. Alors, on voit bien, à travers votre livre, comment se fait la filiation de manière extrêmement complexe d'ailleurs, et on va entendre la presque conclusion de votre livre, où vous, justement vous concluez un petit peu sur tout ça, Jean-Pierre Leroux. Seul un long travail sur le premier conflit mondial, sur les traumatismes des combattants, sur la lenteur et les faux-semblants de la sortie de guerre, m'a permis de comprendre que Robert ne s'était sans doute jamais remis de la Grande Guerre. Après la terrible rencontre, tout semble indiquer que le jeune artilleur de 20 ans n'avait jamais pu reprendre pied. Moins de temps me fut nécessaire pour constater que personne dans son entourage, père, épouse, fils, ne comprit quelle faille s'était ouverte dans l'âme du très jeune homme à l'issue de sa montée en ligne du mois d'août 1916, dans la terreur du bombardement et la souillure de la boue mêlée au sang des chevaux massacrés. Il est vrai que Robert, cet homme pour toujours malheureux, consacra sans doute une grande énergie à masquer son extrême faiblesse. Rien en lui n'était en mesure de l'admettre, et moins encore de la comprendre. 30 années durant, la question de la violence de la guerre ne m'a quitté, mais ses traits se sont plusieurs fois transformés. Il y a la mort, il y a la perte, il y a le deuil. Comparé à tant d'autres familles, les morts à la guerre ne sont pas si nombreux dans le récit que l'on a lu, mais il y eut d'autres pertes dans d'autres combats. Celle de Philippe, par exemple, qui m'a permis d'approcher ce qu'irréparable veut dire, tenter de comprendre ensuite ce que le deuil a signifié pour tant de contemporains de la Grande Guerre, s'est abordé au centre de la Grande Guerre elle-même. Ainsi ai-je reçu en héritage quelques outils peu conformistes pour aborder un événement qui n'a laissé presque aucune place aux hommes qui n'étaient pas conformes. Mon travail d'historien est issu de cette subtile trahison, mais au moins ai-je tenté de viser la Grande Guerre dans son œil. Le tueur qui avait fracassé les relations des pères et des fils sur 3 générations, je n'ai jamais abandonné sa poursuite. Robert était sorti indemne de la guerre, mais il l'avait perdue. Faute d'avoir compris la défaite de son père, Philippe perdit à son tour d'autres guerres. J'ai voulu comprendre leur défaite. J'ai tenté de le faire par l'histoire. Ceci, bien sûr, à mon insu. Mais il se pourrait aussi que ce combat ait été sans objet. Ceux qui ont traversé les années de guerre auraient-ils existé en quelque sorte par eux-mêmes? Se pourrait-il alors qu'il n'y ait pas tant d'histoire et que le combat soit imaginaire? Quoi qu'il en soit, sans doute, est-il temps de le considérer comme terminé? La Grande Guerre, pour ma part, si près du centenaire de son sanglant événement, le moment est peut-être venu de lui dire adieu. Stefano de Varuzzo, alors adieu à la guerre ? C'est une question qu'on me pose évidemment souvent, parfois avec un peu d'ironie, parfois avec indignation. Je dirais que adieu à la Grande Guerre, c'est difficile parce que, en tant qu'historien professionnel, on est ramené, après 30 ans de travail, on est forcément ramené presque mécaniquement à ces sujets, sollicité de toutes parts. Et le centenaire, évidemment, est un moment de sollicitation extrême. Adieu aux affects, en tout cas. Oui, adieu aux affects. C'est-à-dire que les affects qu'a véhiculé la Grande Guerre pour moi depuis si longtemps et que je comprends mieux maintenant après avoir fait ce travail, je crois que ces affects maintenant sont maîtrisables ou maîtrisés. Je peux continuer à travailler sur la Grande Guerre comme sur d'autres sujets. Je ne pense plus que ce soit maintenant un sujet aussi privilégié affectivement. C'est déjà beaucoup. Hein. Je crois que j'ai pu maintenant en partie donc m'en détacher. Est-ce que vous allez participer, Stefano de Varuzzo, à différents aspects de la commémoration ? J'y suis bien obligé. Bien sûr. Mais quand je dis obligé, vous sentez la réserve. Je ne suis pas, chacun des gens qui me connaissent le savent, je ne suis pas un enthousiaste de cette commémoration. Je ne suis pas un enthousiaste des commémorations en général. Je m'intéresse, sauf par exemple, pour la commémoration du génocide des Tutsis rwandais qui interviendra en avril 2014, justement, m'intéresse, si je puis dire, beaucoup plus, civiquement, politiquement, historiquement aussi. Je crois que c'est une commémoration beaucoup plus utile. Je doute de l'utilité, entre guillemets, de la commémoration de 2014 pour le centenaire de la Grande Guerre. Je crois pas en saisir bien le sens. Je me méfie des leçons de morale que tout cela va occasionner. Je me méfie surtout de l'épuisement du sujet qui peut advenir à la suite d'une saturation inévitable de l'édition, des médias, etc. Bref, j'essaye de faire un pas de côté et j'espère que ce livre a été finalement une manière de faire un pas de côté. Quand on me l'a demandé à l'École des hautes études en 2010, car je l'ai écrit en 2010, très vite d'ailleurs, c'était un moyen de ne pas faire un livre sur la Grande Guerre tout en faisant. En tout cas, c'est l'occasion de vous entendre et de réfléchir à cette filiation que vous nous racontez. Donc c'est une, de toute façon, pour les historiens et pour les autres, une très belle occasion. Nous allons nous quitter en entendant une voix ultime, celle de Raoul Girardet, qui est mort il y a peu de temps, et dont un essai d'Égo-Histoire évoquait si bien le souvenir de la guerre 14-18. Jean-Pierre Leroux. Le temps de mon enfance était celui où les monuments aux morts étaient encore tout neufs. Quant aux morts eux-mêmes, ils demeuraient toujours étrangement présents. C'était d'eux qu'on entendait presque chaque jour évoquer les noms dans la conversation des adultes. Un mari, un fils, un frère, un cousin, tué en Champagne, tué aux Éparges, tué en Argonne. C'était eux aussi dont on découvrait les visages, les si jeunes visages. Dès que l'on pénétrait dans une maison amie, sur une table, une commode, une console, figée dans ce qui était alors la dignité du rituel photographique. Souriant ou rêveur, la moustache courte et bien taillée, engoncée parfois dans leur uniforme trop neuf. Raoul Girardet disait aussi que c'était la seule guerre qu'il se sentit capable, comme historien, de raconter. Dans l'exactitude de son déroulement quotidien, la soupe et la relève, les poux et les rats, les retours de permission et le roulement retrouvé du canon sur le quai des gares régulatrices, l'odeur de grottes, de terre et de racines au fond des abris, les cailles bottis sur le sol des tranchées qu'emporte la boue des jours de pluie, les minces échelles de bois disposées le long du parapet à l'aube des matins d'attaque. C'était Les lundis de l'histoire, présentés aujourd'hui par Michel Perrault, avec Stéphane Audouin-Rouzeau pour son livre qui vient de paraître, et Jean-Pierre Leroux qui nous a lu de nombreux textes. La prise de son était assurée par Stéphane Touvenin, la réalisation par Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire seront présentés par Roger Chartier, et dans quelques instants, c'est pas la peine de crier, par Marie Richeux. Au revoir.